Yip. J'porte la capuche selon mes humeurs. J'fuis ce monde car ici mon pote les rumeurs se propagent, les gens salissent mon blase. Crevard en tout cas, pour mes potes je le dédicace. 369 c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est vous. Au bout du compte, en fait c'est tous ceux qui sont là et qui nous soutiennent. Mec, si tu as kiffé, rappuie sur play. Décor matriculé, un premier projet. Juste pour te dire, Crevard Jazz As, tu sais qu'on est là, mais le meilleur reste à venir, je te garantis. Autant t'avertir de suite, ces récits sont pas des extraits de romans, mais notre biographie retranscrite sur discographie. J'en ai pas fini de rendre ouf, celle-là c'est pour tous ceux qui se reconnaissent quand je cite la famille. Libre, on a tous hâte de l'être, matriculé dans notre décor et dans un art de l'être. 369 façons d'en sortir, la tête dans les étoiles, quand sur mon balcon je soupire. Mais on supporte, pote, pas connaissance. On fout le feu, le texte, notre fuel, la rime, une essence. Dédicace à mon pote à l'ombre, on se retrouvera à l'aube. Je fais sauter les cadenas sur les ondes, katana pour couper les résines. Ma voix résonne quand dans le micro les voix se résument. As, la sauce tartare, crevard, gaz. T-A-2-I, Jumbo Prod Product, c'est ça, écoute le produit. Ouais, crevard, à mes potes, 369, Gaz As, à la famille d'ici, de là-bas et surtout celle qui est là-haut, Guinu, mon équipe, mon Johan Raff, Jason Edouard Nassim, Salim mec, arrête de parier, les grosses dédicaces, à mes potes du Dust, à Kim et Olive, et à tous ceux que j'ai oubliés et qui savent qu'ils ont leur place. D'abord, c'est pour 369 Crew, Crevard et As, et Mister Tai qui est là. Ensuite, ma Dream Team, Shake, vous êtes là les frères, j'oublierai pas. La Discord qui arrive aussi bientôt, on est là, tu sais. C'est pour toi qui écoute, qui a kiffé. C'est pour vous tous, le 369, universel, tu sais.